Salut Fred. Oui, je me demandais. Ben voilà. J'écoute les émissions sur les sujets qui a priori ne m'intéressent pas. J'écoute les rediffusions et il m'arrive même durant l'année de réécouter spontanément des émissions podcast. Est-ce que c'est grave, docteur? Bonjour, je viens d'écouter votre émission sur Alan Moore et Watchmen. Il ne faut pas comparer Alan Moore avec Frank Miller. Bonne journée! Ouais, je trouve que Rihanna, c'est pas mal, hein. Je viens de découvrir quelque chose que je connaissais pas et j'aime bien. Du coup, j'ai une question à vous poser, une question que je suis sûre que vous vous êtes vous-même posée pendant la préparation des émissions sur Resident Evil ou sur Romero ou aujourd'hui sur The Walking Dead. Équipe de Blockbuster, qu'est-ce que vous feriez en cas d'invasion zombie? Primordial. J'attends votre réponse cet après-midi et j'ai hâte de vous écouter. Des bisous, bye. Bon Frédéric, c'est bien beau toutes ces annonces sur les futures émissions là, mais depuis que vous avez annoncé Indochine, moi je tiens plus en place. Et le plus gros teaser en fait dans tout ça, c'est celui du jeu Blockbuster. Il sort en octobre, je sais ce que je vais commander comme cadeau de Noël. Mais le 25 décembre, c'est loin! Comment je vais faire pour attendre aussi longtemps moi? Allez, bonne suite d'été. Merci beaucoup pour vos émissions et vive Blockbuster! Ciao! To be or not to be, not to be. Imaginez, vous êtes un jeune dessinateur ou scénariste avec des idées plein la tête, vous passez vos journées à gribouiller des cahiers et à inventer des personnages hauts en couleur, tels qu'un étudiant mordu par une araignée radioactive, un orphelin milliardaire en costume de chauve-souris. Bon, on va pas se mentir, vos parents se demandent sûrement ce qu'ils vont faire de vous. Vous proposez vos histoires à un journal, parce que vous avez grandi à une époque où les gens lisent encore la presse écrite, et un éditeur audacieux et amusé par votre enthousiasme accepte de publier vos drôles d'histoires. Vous êtes payé une misère, le contrat se fait par une poignée de main, les droits d'auteur sont une légende urbaine, mais peu importe, vous êtes à un âge où vous pensez que les loyers se paient à la passion. Avance rapide maintenant. Des décennies plus tard, vos bandes dessinées sont un succès. Vos personnages sont mondialement connus. D'ailleurs, Hollywood ne s'y est pas trompé et les adapte pour le grand écran à tour de bras, générant des milliards de dollars de bénéfices. Cependant, vous, on vient de vous diagnostiquer à une maladie grave qui n'est malheureusement pas couverte par votre système de santé. Vous avez inventé un personnage qui génère des millions et vous, faute d'avoir eu la prévoyance et l'avidité d'un étudiant en école de commerce, vous n'avez même pas les moyens de vous soigner. Cette réalité, c'est celle de nombre d'artistes qui ont créé le panthéon des super-héros que l'on voit aujourd'hui sur grand écran. Un paradoxe comme seul le néolibéralisme peut en produire. C'est pour éviter cela que dans les années 90, un groupe de dessinateurs a créé une maison d'édition qui leur permettrait de posséder les droits de leur création. Le nom de cette maison d'édition, Image Comics. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, à moins bien sûr que vous ne connaissiez une des séries qui en a fait le succès, Walking Dead. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Little girl. Petite. I'm a policeman. Je suis officier de police. Little girl. Petite. Don't be afraid. T'as pas à avoir peur. Ok. Tu m'entends? Little girl. Allez, viens, petite. Oh, mon Dieu. En 2003, Robert Kirkman, auréolé d'un certain succès avec la parution de son précédent comics Invincible, décide de lancer chez Image Comics une bande dessinée qui prend place dans un monde post-apocalyptique où les zombies ont envahi la Terre. Ce comics se veut une sorte de suite non officielle à l'univers créé par George Romero dans ses films. Pour Kirkman, hors de question d'expliquer d'où vient cette épidémie, ni même d'y mettre fin, il s'agit juste de suivre une poignée de survivants qui luttent dans ce milieu hostile afin de faire exister un dernier vestige de civilisation. J'ai avec moi Thierry Mornay, bonjour. Bonjour. Alors Thierry Mornay, vous êtes responsable éditorial comics aux éditions Delcourt et co-responsable du fait que je n'ai plus de place dans mon salon depuis des années. Ça, je suis absolument désolé Frédéric, mais on n'a pas l'intention de s'arrêter là, même si Walking Dead effectivement vient de s'arrêter de fort belle manière, on va y revenir probablement. Oui. mais non, je suis désolé. Avec nous également, c'est pas grave, Sullivan Rouault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la collection iComics, label qui publie entre autres alors des titres excellents, hein, Rick and Morty, les Tortues Ninja, bientôt un blockbuster, et tout un catalogue de titres indépendants, et ex-rédacteur en chef de comicsblog.fr, tiens, fondateur du réseau Arts, et vous sortez le making-of officiel de Last Man chez Casterman et Fur d'édition, dont la préface est justement écrite par Robert Kirkman, l'auteur de Walking Dead. Tout est vrai. Tout est vrai. Également avec nous, une amie, Océane Zerbini, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, créatrice du podcast The Lemon Adaptation Club. Toujours, ouais. Et fan de Walking Dead. Fan de Walking Dead, oui. Et enfin avec nous, eh bien, un autre revenant, mais un gentil revenant. Philippe Gage, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, journaliste à la rédaction du Point et du site Le Point Pop, commissaire de l'exposition Robert Kirkman, Walking Dead et autres mondes pop. Ensemble, on va s'intéresser aux créateurs de Walking Dead, Robert Kirkman, Tony Moore et Charles Adlard. On retracera leur parcours, les succès qui ont jalonné leur carrière. On analysera ensemble le style de Kirkman, ce qui a fait le succès de Walking Dead. On parlera bien entendu de l'adaptation fleuve de la chaîne AMC en série télévisée. Qu'est-ce que représente finalement cette série pour le monde de la bande dessinée américaine et française? Allez, si vous êtes fan de Rick, Michonne, Carl, cette émission est faite pour vous. Et si vous êtes fan de Daryl, il n'est pas dans le comics, mais on en parlera quand même. This place is beautiful. Cet endroit est magnifique. Ma famille possède le terrain depuis 160 ans. C'est tellement paisible, je reviens pas. Un petit coin épargné. Vous avez de la chance. Nous n'avons pas totalement été épargnés. Nous avons perdu des voisins, des amis. L'épidémie m'a pris ma femme, mon gendre. Je suis désolé. Mes filles n'ont pas été touchées. Je remercie Dieu de sa clémence. Tout ce qu'on espère, c'est de pouvoir continuer à vivre en paix jusqu'à ce qu'un remède soit découvert. Il n'y a pas de remède. Ça, je ne le crois pas. Quand le virus du sida est apparu, tout le monde a paniqué. Cette fois, c'est différent. C'est ce que l'on dit toujours. Cette fois, c'est différent. Ça l'est vraiment. Depuis des siècles, l'homme fait face à des épidémies mortelles. Il se prend une bonne claque pendant un certain temps. Et puis un beau jour, il rebondit. La nature reprend ses droits et restaure l'équilibre. Elle remet les choses à leur place, voilà tout. J'aimerais bien partager votre avis. Comme le dit Herschel, il est important de remettre les choses à leur place. Donc, on connaît Marvel avec Spider-Man, les X-Men, Iron Man, etc. On connaît DC Comics avec Batman, Superman, Wonder Woman. Mais connaît-on véritablement Image Comics? Sullivan, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la création de Image Comics? Ouais, alors Image, c'est un peu particulier parce que faut vraiment distinguer deux époques. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, les années 90 où Jim Lee et les autres rockstars de l'industrie vont fonder une maison qui va protéger leurs droits, en fait, parce qu'ils sont. Jim Lee, qui est un dessinateur. Voilà, effectivement, des X-Men et d'ailleurs, il a à peu près tout dessiné, très connu pour Batman aussi chez DC. C'est aujourd'hui un des présidents de DC. En fait, à cette époque, effectivement, ils se rendent compte que il y a aucune royalties qui va dans leur poche quand leurs personnages sont adaptés. Donc là, on est avant les milliards de Marvel Studios et ainsi de suite. Mais ils comprennent quand même très vite comment les choses vont tourner et ils se disent, pourquoi on créerait pas nos propres héros dans notre propre collection, enfin, imprimer nos propres bouquins et ainsi de suite. Et c'est ainsi que les sept formidables, que Thierry connaît très bien parce que lui publie ses Image depuis. Je sais, on va y venir parce que c'est les premiers comics Image sont sortis chez Semic Edition. Ouais. Vous êtes responsable de l'arrivée d'Image Comics en France. Pas directement, pour être parfaitement honnête, puisque j'ai rejoint les équipes de Semic. Vous êtes le seul qui est ici, donc on ne se répétera pas. Okay, d'accord. je suis arrivé quelques années après le démarrage effectivement de ces séries en version française chez Semic, mais d'ores et déjà les grands noms d'Image étaient présents au catalogue avec Todd McFarlane sur Spawn, avec Jim Lee sur ces séries, ainsi que Mark Silvestri, bref tous les fondateurs. Des numéros 1 qui se vendaient à des millions d'exemplaires, les chiffres c'était hallucinant. C'est absolument colossal, oui, effectivement à l'époque et pour la première fois justement des auteurs au sein de la structure de la bande dessinée américaine parvenaient à tirer les marrons du feu en leur nom pour leur propre création, ce qui était absolument pas le cas lorsqu'ils officiaient sur des personnages qui étaient des licences appartenant à Marvel ou à DC. Sullivan, Robert Kirkman, quel est le premier comics qu'il a lancé et qu'il a fait connaître? Le premier comics. Vous avez 10 secondes, mon vieux. Ouais, ouais, moi je dirais Battle Pope, en fait, en réalité. Premier, ouais. Mais pour lui, c'est une grande blessure encore. Non pas qu'il en ait des milliards. Il y avait pourtant un pitch de génial de départ. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est un pape de baston, quoi. Non, mais c'est, il faut vraiment que les auditeurs comprennent. Imaginez le pape sous stéroïde. Tout à fait. Qui met des mandales. Alors, ouais, évidemment, il y a quelque chose de complètement antinomique, mais c'est à voir. Dieu est amour ou je cogne. Hein, oui, vraie physique de catcheur et tout. BD d'humour, parce qu'en fait, Kirkman, bon, là, Walking Dead, c'est quand même quelque chose de très dramatique, même si c'est matinée d'un peu d'humour de temps en temps, mais c'est un mec très marrant, Robert Kirkman, dans la vie et tout, c'est un mec qui aime bien rigoler. Et c'est vrai que du coup, Battle Pope était vraiment dans ce ton. Alors, c'est pas tout à fait de la parodie, parce qu'en plus, pour un Américain, je trouve qu'il a une facilité à aborder des thèmes un peu... iconoclaste presque, enfin là pour le coup Battle Pope ça l'est littéralement, mais il est moins effectivement dans le service que peuvent l'être Marvel, DC ou même d'autres auteurs qui vont travailler pour Image aujourd'hui et qui eux ont cette liberté de ton a priori qui leur est offerte. Lui il aime bien la gaudriole et tout ça, et Battle Pope il y a presque même une influence très franco-belge en fait, si on remonte à des Gottlieb et tout ça, enfin moi j'y vois vraiment un lien avec ces dessinateurs là Kurtzman également, oui, sur Mad et ce genre de choses, tout à fait, ouais, puis Mad forcément qui est leur version de l'humour, une filiation évidente avec le Savage Dragon de Eric Larson. C'est-à-dire que je trouve que Kirkman, l'influence d'Eric Larson et de ce personnage Savage Dragon en français bien chelou, elle semble comme assez évidente, à la fois même dans les dessinateurs qu'il choisit, mais aussi dans cette manière très sobre de raconter les histoires. Tout à fait, ouais. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui c'est les deux boss d'Image Comics, puisqu'en fait les 7 fantastiques dont on parlait tout à l'heure, il en reste plus beaucoup, il reste McFarlane, donc et Spawn, le père de Spawn, qui est lui le big boss, mais aujourd'hui Image, et c'est là où je parlais de deux temps tout à l'heure, est devenu en fait un Eldorado pour tous les artistes qui veulent travailler de manière indépendante aujourd'hui, et Larsen et Kirkman en sont tous les deux des dirigeants, alors que Jim Valentino, Mark Silvestri, Rob Liefeld, ouais. Tout ça sont partis entre temps, ou Jim Lee lui qui est reparti chez DC pour reprendre un rôle là-bas, mais effectivement, en plus, il me semble, enfin toi Thierry, tu dois savoir parce que tu étais très ami avec Eric, mais ils sont assez potes, non, Kirkman et Larsen. Oui, oui, en fait, Kirkman et ou McFarlane, tu veux dire peut-être, non, Larsen ou. Non, je parle de Larsen. Larsen est, oui, ils se connaissent très très bien, n'ont pas eu l'occasion de vraiment travailler beaucoup ensemble, mais on les retrouve aujourd'hui dans un certain nombre de grandes décisions qui peuvent être prise, puisque Kirkman est devenu l'un des associés d'Image également, c'est un des tout nouveaux. Il a bien gravé les échelons. Il a gravé les échelons et puis l'a rejoint aussi plus récemment, mais en catimini, Stephenson, qui est l'éditeur en chef de d'Image Comics. Bref, les sets de départ, ça a un peu bougé, il y a eu des chaises musicales, mais enfin, on retrouve une... C'est la next gen. C'est la next generation, exactement, mais avec des gens qui sont tout à fait dédiés à l'esprit même de départ d'Image, à savoir les auteurs font ce qu'ils veulent et sans filtre, en fait. Alors, on va continuer de parler de Walking Dead, mais pour le moment, on va écouter Bruce Springsteen avec Dead Man Walking. There's a pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided. I'm a dead man walking. Dead man walking in St. James Parish, where I was born and christened. Now I've got my story, mister, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a good. But between our dreams and actions lies this world. In the deep forest, their blood and tears rushed over me. All I could feel was the drugs and the shotgun, and my fear up inside of me. Like a dead man talking. Neath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I have. and the clouds above my prison move slowly across the sky. There's a new day coming, and my dreams are full tonight. C'était Bruce Springsteen avec Dead Man Walking dans Blockbuster sur France Inter. Tyrese! Karen, are you okay? Karen, tu vas I'm bien? I'm fine. Je vais bien. Where's the governor? Où est He le gouverneur? Il a ouvert le feu sur nous. Regarde moi. Il a tué tout le monde. Why are you with them? Pourquoi t'es avec They... eux? He saved me. Ils m'ont sauvé. We're coming out. J'y réponds ça. We're coming out. Tirez pas. What are you doing here? Qu'est-ce que vous faites ici? We were coming to finish this. On venait finir avec le gouverneur. But we saw what the governor did. Jusqu'à ce qu'on découvre le massacre. He killed them. Il les a tués. Sullivan Roux, avant qu'on parle précisément de Walking Dead, et on vient d'entendre un extrait de la série télévisée, Robert Kirkman a créé son label au sein d'Image Comics. Tout à fait, ouais. Sans trop partir dans la cuisine de notre vie d'éditeur au quotidien, je pense que c'est un élément assez important, parce qu'en fait c'est un label qui s'appelle Skybound, qui donc fait partie d'Image Comics, et en fait qui justifie sa prise de pouvoir au sein d'Image, parce qu'en fait Skybound, grâce à Walking Dead, mais pas seulement, est devenu tellement gros que c'était impossible de l'ignorer. Thierry est un des détenteurs des droits exclusifs en France, donc je suis très jaloux au quotidien. C'est pour ça qu'il fait la roue, là. Exactement. Qu'il a un très grand sourire. Et en fait, Kirkman, il a aussi un rôle dans sa vie qui est presque celui d'un producteur. Enfin, en tout cas, je pense qu'on peut l'affilier à ça, où en fait, il défriche beaucoup, il lance beaucoup de jeunes auteurs. Et notamment, là, aujourd'hui, DC Comics fait son beurre sur Daniel Warren Johnson, qui est un jeune génie de la bande dessinée américaine, lancé par Kirkman. Donc, Kirkman est très fan. Il a fait une série qui s'appelle Extremity, notamment, une autre qui s'appelle Murder Falcon, qui se passe sur le métal. Et en fait, Skybound est vraiment un label à part, notamment au niveau des droits d'auteur aussi. Image se propose de donner quasiment tous les droits d'auteur à ses auteurs, alors que Skybound va les salarier et leur redonner une partie derrière. Et en fait, Kirkman, au sein d'Image, il a presque recréé une structure qui ressemble à celle de Marvel. Exactement, ça. Skybound pourrait être une structure à part d'Image Comics. Le fait est que politiquement, je pense qu'ils défendent la même chose et les droits des auteurs, notamment, de manière différente. Mais c'est vraiment un rôle prépondérant dans sa carrière à Kirkman, ce rôle de producteur, de défricheur, et il est là pour aider beaucoup de jeunes. Il est là pour aider aussi les jeunes auprès de leurs droits et des contrats, tout ça. Il offre des aides avec Skybound et ainsi de suite. Et moi, je le rapproche presque d'un mec comme Mike Richardson chez Dark Horse, avec une différent dans Dark Horse, qui était une autre maison d'édition, très grande maison d'édition indépendante américaine, mais en fait avec une vraie volonté de faire avancer le comic book en tant que média, et loin des canons, des méga licences et tout. Alors c'est rigolo puisque il est lui-même créateur de Walking Dead, qui est la méga licence. Mais chez Skybound, ils vont aussi faire du jeu de rôle, ils vont aussi faire du jeu vidéo, coproduire des séries télé, la réalité virtuelle aussi, de la réalité virtuelle et tout. Et voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un laboratoire d'expérience. Et pour la petite anecdote, les personnes en charge des droits d'Image Comics, en fait, font partie de Skybound aussi. Comme quoi, Skybound est vraiment le cœur d'Image, et c'est presque le cœur économique d'Image. Image est une très belle façade pour les autres auteurs qui préfèrent une autre façon de travailler. Et donc, Philippe Gage, parlons maintenant de Walking Dead. Déjà, qu'est-ce que ça raconte et comment il l'a proposé à Image Comics? Alors, Charlie Adler, le second dessinateur qui est venu après Tony Moore sur The Walking Dead, était pas là depuis le début, mais lui dit en tout cas que ça a un peu grincé des dents au début chez Image Comics quand Robert Kirkman a proposé le concept de The Walking Dead, parce que on était quand même on est en 2003, on est au tout début donc d'une décennie qui n'a pas encore vraiment connu l'explosion de la mode des morts-vivants, même si l'année précédente est sortie 28 jours plus tard de Danny Boyle. L'idée de départ, c'est vraiment de montrer sur la longueur comment la civilisation humaine va tenter de survivre à une apocalypse zombie, et d'abord survivre et ensuite se reconstruire au sein de cet apocalypse. Et ça, c'est un concept très très fort dont on perçoit pas tout de suite la portée dans les premiers épisodes, mais dont on constate vraiment la richesse du potentiel dramaturgique au fil des épisodes. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple à imposer au sein d'Image, hein, il me semble. Ah non, il a même dû, je dirais, filouter un petit peu les éditeurs à l'époque, ouais, en leur proposant un concept qui d'abord a été retoqué, il l'a retravaillé, et puis ensuite il leur a dit, voilà, c'est simplement une histoire où une espèce d'épidémie de zombiesque a frappé la Terre, mais qui est amenée par des extraterrestres. Il avait vendu une espèce de série science-fiction, série B, voire Z. Et puis au bout de quelques numéros publiés, sachant que le succès commençait à venir avec quelques numéros publiés, l'éditeur d'Image, qui était Eric Stephenson à l'époque, lui a dit, mais au fait, ils sont les extraterrestres. Et Robert lui a dit, mais non, il n'y en a pas en fait. Hein, c'est vraiment une série de zombies, et c'est parti comme ça. Simplement, le succès était là, et effectivement, le reste appartient à l'histoire, des comics. Il y a une chose intéressante sur le concept aussi de The Walking Dead, et qui est aussi une nouveauté qu'a apporté Robert Kirkman, c'est que il inscrit quand même The Walking Dead dans un environnement et un cadre rural, loin des villes, loin des centres-villes, et il montre comment cette proto-nouvelle civilisation se reconstitue pratiquement à partir de rien, dans divers petits centres qui sont reconstitués. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, un cadre rural pour une histoire de zombies au long cours. Et ça, c'est lié directement à ses propres origines. Et il y a ce dessinateur, Tony Moore, qui a démarré le comics, mais qui disparaît assez rapidement. Sullivan Roux, est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé entre Kirkman et Tony Moore? La raison de la brouille, je l'ai pas. Par contre, je sais que la brouille a duré derrière, puisque ça a été assez loin. En fait, ce qu'on peut surtout raconter, c'est que Tony Moore est un ami d'enfance de Kirkman, que Kirkman aime vraiment s'entourer dans ses collaborateurs, de ses amis. Et à l'inverse, dans une des séries qu'il a lancées il y a peu de temps, Oblivion Song, il a été chercher un jeune dessinateur italien, Lorenzo De Felici, qui venait juste travailler avec Davy Mourier. Donc on est vraiment très très loin des dessinateurs rockstar américains, des Jim Lee et oui, tout. Oui, qui était vraiment coloriste en fait à l'origine aussi. Et qui était coloriste effectivement, ouais. Surtout beaucoup pour le franco-belge. Tony Moore, ouais, c'est un ami d'enfance, donc avec qui ça s'est réglé dans les tribunaux d'abord, et puis surtout en tant que personne, puisqu'ils se sont rabibochés derrière après de longues histoires, mais qui sont honnêtement pas très passionnantes, et qui a été remplacé au pied levé par Charlie Adler, avec un changement stylistique total. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer Charlie comme le dessinateur de Walking Dead, oui. Dans la mesure où Tony Moore a fait un tome, Charlie en a fait 32, donc forcément le ratio est assez disproportionné. Et alors, dans la mise en page justement de Walking Dead, il y a aussi quelque chose de très spécifique, c'est une BD en noir et blanc. Oui, tout à fait. Voilà, le choix était très très simple, c'était purement un choix économique à l'origine de la création de la série, hein. Lorsqu'il a fallu lancer cette nouvelle série au sein d'Image Comics, ça revenait tout simplement moins cher de publier un comics en noir et blanc que de le faire en couleur. Voilà, ça beaucoup c'était vraiment moins le cher. Premier choix. Ouais, beaucoup moins cher, c'est vraiment une différence très notable, et ça permet en fait de faire d'étirer les séries dans la longueur quand on essaie de les vendre à son scénariste en lui expliquant qu'il y a des extraterrestres à l'intérieur et qu'il va falloir du temps pour les amener, et que finalement on les amène jamais, mais qu'on fait 33 tomes et 197 chapitres. Mais ce choix arrange Charlie Adler, soit dit en passant, parce que Charlie Adler ne jure que par le noir et blanc, enfin, si j'ai bien compris, en tant qu'artiste, hein, il dit quand même souvent que ses grands maîtres sont des gens comme Alex Toth, Will Eisner, et il a montré toute la puissance de sa façon à se renouveler et arriver à renouveler son style, Charlie Adler, même si c'est par des subtiles différences dans les trames notamment, sur l'ensemble des 193 numéros. On va évidemment continuer de parler de Walking Dead dans Blockbuster, mais avant ça, de la musique avec Jean-Louis Cormier et le morceau « 100 mètres et ». Celui qui me ramène à toi. voiture sans remarquer les klaxons. Même le signal pour piétons a pitié de mon allure. Qu'est-ce qu'il m'a pris de croire que je partais pour de bon? C'est étrange à quel point il faut toujours que je me rende aussi loin pour voir ce que j'ai laissé. C'est celui qui m'amène à toi. Je fais le 100 km et à la vitesse du son. Par-dessus les boulevards, les bars et les moments d'absence. Ça vient qu'il y ait l'idée de s'éloigner pour mieux voir venir le fond. Encore le fucking boy, il vient des amours à distance. Mes larmes se mélangent à l'eau salée sur mes lèvres. Au rythme des vieux pipes pilés de pieds dans l'océan. Je fixe le soleil embrouillé qui se lève. Je m'imaginais pas que tu m'entrais autant. Pourquoi il faut toujours que je me rende si loin? C'était Jean-Louis Cormier avec 100 mètres et. You, toi, in the ponytail. La fille avec les couettes, c'est ça que tu veux? Any of you want? Et vous tous, c'est ça que vous voulez? What we want? Tu piges pas. Is what you got. On veut ce que t'as. Period. Point final. Time for you to Alors il est temps que tu mettes les voiles, trop Luc. On s'est déjà battu contre cet homme. On a gagné, on a recueilli les gens qui étaient dans sa ville et ils ont leur mot à dire maintenant. Ils participent aux décisions. Alors si vous posez vos armes et franchissez ce portail, vous êtes des nôtres. We let go of all of it. On oublie tout, on tire un trait sur tout ça. And nobody dies. Et on n'a pas tué qui que ce soit. Everyone is alive right now. Je sais que moi, vous, everyone who's made it this tous far. Ceux qui ont pu survivre jusque-là, we've all done the worst kinds of on things. On a été obligé de faire des choses horribles pour rester en vie. But we can still come back. Mais on peut encore s'en remettre. We're not too far gone. C'est pas désespéré. I know. Je le sais. We all. On peut encore. Can change. Changer. Liar. Menteur. Alors, Charlie Adlard a su faire évoluer voilà son style tout au long de la parution de Walking Dead, mais est-ce que Robert Kirkman, lui, a su faire évoluer son histoire? Parce qu'on commence avec Rick Grimes qui sort du coma, parce que en tant que policier, on lui a tiré dessus un petit peu avant que l'épidémie se propage, et donc lui, quand il se réveille, il ne sait absolument pas ce qui s'est passé, et donc en fait, le lecteur adopte le point de vue de Rick Grimes qui se réveille dans ce monde où tout le monde est devenu zombie, et pour lui, il s'agit de rejoindre sa femme et son fils, et aussi de comprendre éventuellement ce qui s'est passé. Et on voit au fur et à mesure du comics que il y a différentes phases. Il y a un Rick de l'ancien monde, un peu idéaliste, puis on arrive à un Rick un peu plus cynique, puis un Rick plus pragmatique, qui a de nouveau de l'espoir. Il y a vraiment cette idée aussi de dépeindre les différentes évolutions de la psyché humaine en période de stress. Oui, c'est intéressant de voir comment d'un récit initial de survie, The Walking Dead se transforme peu à peu en étude anthropologique sur comment on arrive à reconstituer des groupes, à reconstituer une civilisation après une apocalypse où on a tous été tentés de renouer avec nos instincts les plus primaires. Et mais comment on va reconstruire une civilisation à partir de là? Et ça, c'est vraiment très intéressant d'observer ça au travers des destins des divers personnages. Alors, Walking Dead est un excellent comics, mais cette série a été popularisée par une série télé qui fut un temps une des plus suivies au monde. Pourtant, avec justement le temps qui passe, Walking Dead, la série, eh bien, il y a des gens qui n'aiment pas. The Walking Dead m'a trop déçu. Pierre Langlais. Je lui ai été fidèle, entretenant l'espoir de voir un jour son histoire se terminer. Mais rien ne dit, aujourd'hui, qu'elle ne s'étalera pas sur 10 ou 12 saisons. Télérama, 22 octobre 2017. The Walking Dead ne sait plus où elle va, donc elle racole. J'ai assisté, déconfit, agacé et finalement hilar, à une dégringolade sidérante. Scénario égaré, personnages vides, dialogue guignolesque, tension inexistante, mise en scène d'une rare laideur. Une biche numérique immédiatement entrée dans l'histoire des séries. Elle ne pense qu'à nous choquer, à faire le buzz, à remplir des saisons sans parvenir à se renouveler. Je l'écris sans joie. Je ne suivrai pas cette saison 8, ni les suivantes. Alors c'est vrai que quand on évoque Walking Dead, et la majeure partie du grand public pense à la série télévisée, et c'est vrai qu'énormément de libertés ont été prises par rapport aux comics. Il y a notamment le personnage de Daryl qui n'existe, joué par Norman Reedus, qui n'existe que dans la série télé. Le personnage de Carol a une importance tout autre dans la série télé que dans le comics. Il y a aussi une relation mixte bien plus intéressante pour le coup dans la série télé que dans le comics. Mais au final, est-ce que on n'a pas vu les limites d'une transposition d'un média à un autre? C'est-à-dire, autant le comics a réussi ou a eu la subtilité de savoir se terminer, autant la télévision, elle, non. Qu'est-ce que vous en pensez, Sullivan? Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est plus un problème de production qui s'est égaré, qu'en fait le phénomène est devenu beaucoup trop gros. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie de la saison 1, c'était vraiment quelque chose d'assez magique pour nous, lecteurs de comics, de voir un comics devenir une série télé. En plus, c'était plutôt quali sur la première saison. C'était Frank Darabont qui s'occupait. Tout à fait. C'est Frank Darabont et Gail Ann Hurd, la productrice, qui est une bonne productrice à Hollywood, enfin qui est très pragmatique, mais qui est plutôt une bonne productrice. C'est vraiment un phénomène. C'est colossal, c'est-à-dire que c'est vraiment, je sais même pas comment le définir, mais donc, au niveau mondial, il paraît que le Walking Dead a été une des séries qui a accéléré le téléchargement illégal au niveau mondial avant Game of Thrones. Bien sûr. Le problème, c'est qu'effectivement, la série, elle s'est un peu parodie à mon sens. Moi, aujourd'hui, je regarde plus. Ça doit faire, je sais pas, 6 ou 7 saisons que j'ai abandonné. Fear the Walking Dead, le spin-off, c'est pareil. J'ai dû regarder le pilote et puis j'ai abandonné directement parce que je pense que j'en ai pas besoin et qu'en plus le comics se suffit très bien à lui-même. Et je conseillerais plutôt aux gens d'aller lire le comics et c'est ce que je fais depuis 10 ans. Oui. Maintenant, je pense qu'il faut pas être trop dur avec la série non plus. Elle a permis justement d'amener les comics sur le grand écran, ce qui est devenu vraiment une norme derrière. Je pense qu'il faut pas non plus tirer de conclusion de se dire voilà, le comic book trop étiré, ça peut donner que quelque chose de très dilué. Qui un peu informe comme ça aujourd'hui. C'est on peut réussir une série au long cours. C'est juste que la série, Walking Dead, est devenue tellement énorme que c'était ingérable pour absolument tout le monde. Et Norman Reedus s'est quand même passé. Norman Reedus, il vient de fêter ses 51 ans. Je veux dire, ça fait que 10 ans qu'il joue dans Walking Dead. Il s'est devenu une star mondiale aujourd'hui. Il est passé de Blade à The Walking Dead. Exactement, de Blade 3 à The Walking Dead. Ça a vraiment créé des stars, Walking Dead. Et dans le comics, j'ai eu l'impression en les relisant, à certains moments, en fait, que Robert Kirkman corrigeait ses propres erreurs au long cours. C'est-à-dire qu'il y a eu cette figure du gouverneur qui était vraiment un méchant qui, une fois qu'il a disparu, la série a un petit peu ralenti, un petit peu boité, un petit peu... Il lui manquait quelque chose. Et que Negan est arrivé comme une forme de réponse à l'absence du gouverneur pour remettre un petit peu de punch et de danger dans quelque chose qui avait tendance à s'étioler un petit peu. Quel est votre avis là-dessus? Moi, pour le coup, je suis hyper content de Negan en série télé, parce que j'ai repris la série au moment de l'équivalent de chapitre 100. Par Jeffrey Dean Morgan. Par Jeffrey Dean Morgan, t'as fait. Donc, le destin de ce pauvre Glenn, je l'ai quand même vécu en série télé. Puis, j'ai adoré cette espèce de buzz avec le cliffhanger de la saison précédente, les 5 morts différentes tournées où les acteurs eux-mêmes savaient pas ce qu'elle allait être choisie, la feinte dans l'épisode en question. On se dit, il va pas y passer, puis en fait, si. Et je trouve que c'est une des grandes réussites de la série dans son itération récente. Après, réparer ses erreurs, je sais pas, c'est clair dans le comics, il y a un parallèle évident entre le gouverneur et Negan. Maintenant, Negan est vraiment plus le némésis de Rick dans la figure némésis classique quoi du super-héros avec Batman, le Joker, ainsi de suite. Et sur le poids de la couronne quoi, parce que les deux sont des leaders, les deux ont des destins tragiques par rapport aux femmes qu'ils ont aimées. Ils vont pas du tout prendre les mêmes chemins et Rick ne va plus sans Negan et Negan ne va plus sans Rick au bout d'un moment dans la série, d'où le fait que effectivement la catharsis n'intervient peut-être jamais, je ne sais pas. Negan qui d'ailleurs a même eu les honneurs d'une adaptation en jeu vidéo, on le retrouve dans le dernier Tekken, un jeu de combat où le personnage en contenu additionnel est accessible et donc on voit Negan qui se bat avec sa batte Lucille contre les Katsuya. Je vois ça. Et il y a aussi évidemment le jeu vidéo Walking Dead de Telltale, qui est une extension de l'univers de Kirkman. Et on a presque l'impression qu'aujourd'hui Walking Dead a, comme beaucoup de franchises d'ailleurs, échappé à Robert Kirkman et va baliser d'autres sentiers. C'est vrai à travers des produits dérivés, mais ça reste complètement faux en ce qui concerne la partie comics elle-même, puisqu'il a tenu dès le départ en fait à préciser qu'il n'y aurait pas de spin-off tant qu'il serait à la tête de la série, qu'il y aurait une fin. Et jusqu'à maintenant, he delivered, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il a vraiment, vraiment donné ce qu'il annonçait là-dessus. Il a gardé la main sur la série de A à Z, en la terminant quand il s'agissait de la terminer narrativement parlant. Et je voudrais revenir sur ce que tu évoquais, Frédéric, à propos des temps faibles ou des temps morts de la série. Temps morts, oui, c'est joli. Je pense que ça fait partie aussi de la qualité qu'a Kirkman dans ses rythmes de narration, de savoir aménager des moments plus calmes pour justement que l'atmosphère et les ambiances remontent vers un climax. Vers un moment où vraiment ça va exploser. Et ça, tout le long de la série, quand on la regarde maintenant qu'elle est terminée, on a ce retour et on voit vraiment la qualité d'écriture sur la longueur aussi. Il n'a pas raté la fin de la série d'ailleurs. Hein. C'est magnifique. On va rien dire sur le numéro 193 qui est l'ultime numéro de The Walking Dead, mais c'est un très très beau... c'est une très belle conclusion. C'est un chant du cygne extraordinairement bien réalisé, aussi bien d'ailleurs sur la partie scénaristique que sur la partie de dessin où on voit Charlie Adler qui reprend la main même au niveau ancrage. Absolument. Et c'est un numéro mais et sublime. C'est un modèle vraiment de fin de série. Ouais. Et qui tranche beaucoup en ambiance avec tout le bruit et la fureur qu'on a pu connaître tout au fil de cette série. Il y a vraiment une fin assez contemplative, assez qui parle beaucoup de transmission. Je peux pas trop en dire plus pour ceux qui l'ont pas lu. Il y a vraiment. Ouais, de toute façon, on peut dire c'est que il y a aussi un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est très important dans Walking Dead, le comics, qui est le personnage de Carl, le fils de Rick, que l'on voit grandir, devenir un homme, et un homme qui évolue dans un monde apocalyptique. Donc avec des ressources limitées, avec du danger à tous les instants, qui découvre sa sexualité aussi. Pour ma part, je trouve que l'arc scénaristique de Carl est l'arc le plus important de Walking Dead. Oui, et puis c'est vraiment un personnage qui est complètement central et depuis le début de la série, mais ça c'est un des points forts aussi de l'écriture et des points d'identité que l'on retrouve sur chacune des séries de Kirkman, c'est le cœur de la famille, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est la relation père-fils. Et la relation père-fils, c'est elle central. Est partout. Allez, sur toutes les séries, on a beau décrypter, on regarde, il y a vraiment une relation entre la figure tutélaire du père, du vieux et de fils. On va faire une petite pause musicale en écoutant A Hero's Death de Fontaine D.C. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath a light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me, friend, everyone will hear. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Never borrow them from someone else. Buy yourself a flower every hundredth error. Throw your hair down from your lonely terror. And if you hide yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. C'était Fontaine D.C. qui interprétait Hero's Death. Few people ever got a chance to see this. Peu de gens ont eu la chance de voir ce que je vais vous montrer. Take us in for EIV. Passe en mode VIA. Visualisation interne avancée. What are those lights? C'est quoi ces lumières? Those are synapses. Ce sont des synapses. Electric impulses. Des impulsions électriques dans le cerveau qui acheminent les messages. Oh, c'était qui? Le sujet de test 19. Someone who was quelqu'un qui a été bitten, mordu and infected, et infecté. And volunteered et s'est porté volontaire pour qu'on étudie record l'évolution process. De la maladie. Vai, scan Vai avance jusqu'à la première phase. Scanning to first visualisation scan. De la première phase. What is that? Il se passe quoi, là? It invades the brain. Ça attaque le cerveau comme la méningite. Ça provoque une hémorragie des glandes surrénales. Le cerveau cesse toute activité, puis c'est au tour des organes principaux. Et c'est la mort. Scan to the second event. Avance jusqu'à la seconde phase. Visualisation de la seconde phase. Le temps nécessaire à la résurrection varie sans logique apparente. Certains rapports font état d'une durée de seulement 3 minutes. La plus longue durée constatée est de 8 heures. Dans le cas de ce patient, ça a pris 2 heures, 1 minute et 7 secondes. Alors, on vient d'entendre un extrait de la dernière saison, enfin de la première saison de Walking Dead, la saison 1, où la version télévisée avait, s'était risquée à vouloir expliquer l'épidémie. Et est-ce que c'est pas justement l'écueil à éviter avec Walking Dead, vouloir expliquer pourquoi cette épidémie et à la limite de vouloir la résoudre. Avec le genre du zombie en général, en fait, je pense, et c'est un truc que Kirkman avait très bien compris. On n'a pas cité Resident Evil depuis tout à l'heure, mais Kirkman est quand même un très gros gamer, qui était donc très jeune, encore très jeune dans les années 90, qui a joué donc au jeu Capcom, et qui eux-mêmes, à cause de toute l'explication autour d'Umbrella et tout ça, ont vraiment sombré, que ce soit dans la version cinéma ou dans la version jeu vidéo, dans une forme d'auto-parodie assez étrange que seuls les Japonais peuvent assumer. Lui, il avait compris qu'en essayant de faire de Walking Dead une espèce de satire sociale et d'histoire de famille au long cours, très décompressée et tout ça, c'était le sujet à ne pas aborder. En fait, lui, sa réponse était presque genuine, quoi. C'était de dire, mais on s'en fout. Enfin, ça n'a aucun intérêt de le savoir et c'est pas du tout le propos de toute façon. Et si je vous le disais, vous seriez déçus, donc je vais jamais me risquer à vous raconter ce qui s'est vraiment passé au départ. Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil, dans Resident Evil, le virus des zombies a pour origine une entreprise militaire pharmaceutique qui s'appelle Umbrella Corp et qui, à force de tester sur ses cobayes, bah, a créé voilà, un virus qui transforme les gens en zombies. Voilà, donc c'est vraiment le cliché de la série B de zombies, c'est-à-dire le laborantin avec sa blouse blanche qui dit « Oui, nous avons créé ce virus !» virus en laboratoire et nous ne le maîtrisons plus. Beaucoup cette voix. Hein. Mais ils ont tous les laboratoires ont cette voix-là, une blouse blanche comme mon prof de bio. Et alors, nous le saluons. Et Océane Zerbini. Et l'un des aspects que j'aime beaucoup aussi dans The Walking Dead, c'est justement les personnages qui prétendent avoir justement les clés, les solutions, alors qu'en fait, ils sont aussi impuissants que nous. Et la manière dont ils essaient de jouer avec les espoirs des survivants, leur disant on va trouver un remède, on sait d'où ça vient, alors qu'en fait, ils en ont aucune idée. C'est-à-dire que c'est un peu Kirkman qui dit ah bah je vais faire comme si je savais la réponse alors qu'en fait non, il y a comme aucune le personnage réponse. De Eugène par exemple. Eugène ouais. Mmh. Qui là, est là, horrible là. En télé hein. Enfin je voilà. Ouais. Et qui porte très bien son nom. Oui, bah oui, exactement. Mais la réalité c'est que Kirkman lui-même face à une situation telle que celle-ci, il dit moi je dure pas une journée de toute façon, hein, je suis Kirkman c'est Eugène, non, c'est sa grande angoisse, pas ça. Comment Eugène a réussi à s'en sortir aussi longtemps d'ailleurs. Non. Et alors on parle de Walking Dead mais il y a une autre série qu'on évoquait en off, une série qui pour moi est l'œuvre majeure de Kirkman, mais qui a eu oui pour l'instant, mais qui a eu moins de succès que Walking Dead, c'est Invincible. Sullivan Roux, est-ce que vous pouvez présenter à ceux qui ont aimé Walking Dead mais qui se diraient tiens j'aimerais bien lire autre chose de Kirkman, est-ce qu'on peut parler d'Invincible? Bah, Invincible c'est marrant à la fois dans son histoire sur laquelle on va revenir, mais aussi dans son contexte éditorial, c'est-à-dire que ça arrive au moment où Marvel se relance avec toute la gamme Ultimate qui est une espèce de forme de jeunisme sur ses héros, dont l'excellent Ultimate Spider-Man que je conseille absolument à tout le monde, qui est sûrement Brian, le meilleur Michael travail Bendis et Mark Bagley. De Brian Bendis et qui est vraiment voilà, si Peter Parker allait à l'école dans les années 2000, qu'est-ce qui se passerait, on le suit vraiment au lycée dans ses amourettes et ainsi de suite. Invincible c'est un peu la même chose mais avec un héros un peu plus loser, donc un jeune héros dont le père est l'espèce de Superman moustachu de l'univers en question, un vous univers avez bien entendu Superman moustachu ouais, mais la moustache est très importante, la moustache est très importante ça pose très très bien moi je trouve la figure du patriarche et tout. Et donc ce jeune héros va vite découvrir ses pouvoirs et devoir s'en accommoder tout en allant au lycée, en ayant des amourettes et tout, dans un univers qui finalement lui aussi fourmille de super-héros, où son père va du coup disparaître, ainsi de suite. Et en fait, au début, les deux premiers tomes sont vraiment lors de la comédie, de la parodie du super-héros, et en fait il arrive à en tirer une espèce de puissance dramatique incroyable jusqu'au final où le héros en question va changer, il y aura une forme de legacy quel comme on appelle ça, de voilà, il va transmettre le costume à quelqu'un d'autre, et c'est vraiment ouais comme tu le disais, c'est ta série préférée, je pense que c'est notre série préférée à tous quand on aime Robert Kirkman. Je pense que c'est la preuve que Robert Kirkman est trop souvent sous-estimé en tant que scénariste parce qu'il a plein d'autres casquettes, mais je la conseillerais là aussi à n'importe qui, notamment les gens qui vont en avoir un petit peu marre de la vision classique du super-héros. Ça offre vraiment autre chose, tout en donnant les scènes d'action qu'on a en droit d'attendre quand on a envie de lire une bonne histoire de super-héros, parce que ça bastonne quand même beaucoup. Et aussi des prises de risque, comme j'en avais rarement lu, notamment, alors là je vais un peu divulgacher ce qui se passe dans Invincible, mais un héros qui subit un viol et violé par une femme, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on en entend souvent parler et on se dit oh non ça n'existe pas, ou on veut pas imaginer que ça existe. Kirkman choisit de le montrer et comment le personnage se sent coupable, estime qu'à un moment donné c'est sa faute si c'est arrivé et il faut qu'il comprenne que c'est pas le cas. Enfin, il y a vraiment tout un travail qui est fait dans une bande dessinée qui est censée être vraiment juste un pur objet de divertissement. Et ben une vraie réflexion sur le sujet qui mérite d'être lue et qui moi m'a vraiment impressionné. Donc rien que pour ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. C'est, on n'était pas dans un manichéisme voilà, habituel dans le monde du comic book. Donc Invincible, les aventures de Mark Grayson, je le conseille énormément. Et alors, je pense que vous y avez un petit peu répondu. On est d'accord pour dire que Kirkman a donc bien terminé Walking Dead. Oui. Non, mais sur The Walking Dead, c'est vraiment impressionnant comment il a ramassé vraiment... 15 ans de saga, un peu plus, oui. Un peu plus sur un épisode final qui renoue avec des images très iconiques de l'Ouest, américain. On dirait vraiment, il y a certaines planches ont l'air vraiment inspirées de planches d'un artiste comme Frederick Remington, qui était le grand peintre de l'Ouest américain. C'est vraiment une façon sublime de terminer cette bande dessinée, alors même que en effet qualitativement elle a connu quelques hauts et bas, Thierry, des très hauts et quelques bas, mais heureusement elle retombe vraiment sur ses pattes avec cette conclusion assez sidérante. Et rapidement, est-ce que vous avez un personnage qui vous a marqué dans cette grande saga qu'a été Walking Dead ? Océane Derby. Moi, je veux dire Carole dans la BD parce que, en fait, je m'attendais pas à ce qu'elle meure aussi vite et je trouve que la manière dont elle décide de partir, c'est super intéressant par rapport à la mort, parce que dans Walking Dead, on a le choix entre soit se faire bouffer par les zombies, soit choisir de partir parce qu'on ne veut plus vivre dans ce monde-là. Et Carole, en fait, c'est quelqu'un dans le comics qui perd tout très rapidement. Et sa fin m'a beaucoup émue, même si je suis contente qu'il l'ait fait encore survivre dans la série. Je trouve que son destin dans la BD, c'est l'un des plus cruels parce que c'est l'un des plus réalistes. C'est-à-dire qu'à un moment, on perd tout. Sylvain? Negan, mais en VF. Et je pense que c'est très important parce que ça va permettre de souligner le travail d'Edmond Auriol, qui est un des meilleurs traducteurs français, qui rend vraiment le personnage beaucoup plus intéressant en VF qu'en VO, dont la vulgarité n'est pas du tout la même par ailleurs. Il est vachement plus vulgaire en français. Et c'est marrant parce qu'il a ce truc, en français, il a une forme de parler, je sais pas comment dire, mais c'est plus que familier. Enfin voilà, c'est presque argotique parfois, et des expressions complètement incroyables. Alors là, on peut pas les dire à la radio en français. Mais c'est tout le talent. Je te remercie de citer Edmond parce que je ne serais pas passé à côté non plus. Il a fait un travail, et notamment dans la personnalisation du personnage de Negan, qui est extraordinairement riche. Et là où la version US utilise très souvent les mêmes artifices et les mêmes mots, les mêmes terminologies, lui a su trouver un langage encore plus fleuri. D'ailleurs, c'est un des titres qu'on aurait pu choisir pour Walking Dead. Negan dans le texte, qui est un petit opus qui reprend l'ensemble des insultes en fait de Negan pour s'amuser comme ça. Et ça, c'est du pur Edmond, et il y a un vrai vrai travail de création. Il faut souligner le travail des adaptateurs, des auteurs de traduction. On le fait jamais assez, et notamment sur Walking Dead depuis le début, c'est Edmond qui tient la barre. Il la tient très très haut, et il faut le saluer. Voilà. Un bel hommage mérité. Ouais. Et Thierry Mornay, donc Negan aussi. On reste sur Negan comme personnage marquant de Walking Dead. Pas du tout. Non, moi, mon personnage préféré de la bande dessinée, ça reste Andrea, avec un personnage qui a subi énormément de changements et d'évolutions au fil de la série. Et puis, j'ai un petit faible aussi, j'ai un soft spot pour Carl, depuis le début, parce que je pense que Carl, pour moi, depuis le début, je sens que c'est le personnage central. Ouais. Le tout dernier numéro nous le confirme, voilà. Et en revanche, sur la série télé, non, ce sera le personnage de Carol de la manière dont il est traité. Ouais. Philippe Gage? J'ai l'impression que je suis pas très original, mais Michonne me fascine complètement. L'iconographie de Michonne avec son sabre, voilà, le côté extrêmement badass du personnage. Je me rappelle les toutes premières saisons avant qu'on la voie apparaître dans la série. J'avais pu interviewer Gail Anord au Comic-Con de San Diego à un moment de la saison 2, et je lui disais, mais alors, quand est-ce que vous faites venir Michonne? Et elle me disait, mais je comprends pas, tout le monde n'arrête pas de me poser cette question. Et je pense qu'ils étaient déjà en train de caster Danai Gurira dans le rôle. Et je trouve que ce personnage est incroyable. C'est fascinant de savoir que avant l'apocalypse, c'était une avocate, donc vraiment représentante de la société des hommes, quoi, de la civilisation et d'une société de droit, et qui a basculé elle dans quelque chose de complètement primal et ultra violent. L'arc du personnage est vraiment fascinant. Graphiquement, elle est fascinante, et je trouve quand même qu'ils l'ont plutôt réussi dans la série télé. Donc Michonne. Oui, ouais, je suis assez d'accord. C'était la troisième. moi, c'était Carl, Andreas et Michonne. Ils ont tous été cités, donc je suis d'accord avec vous. Alors que Rick est un personnage fascinant quand même. Personne. Oui, évidemment, mais c'était trop évident. C'était trop évident. En tout cas, Thierry Mornay, Océane Zerbini, Sylvain Roux et Philippe Gage, je vous remercie. Donc j'invite une fois de plus les auditeurs à lire Walking Dead et également Invincible. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission, une émission qui a été réalisée par Céline là, et à la technique aujourd'hui Anne-Laure Cochet, et j'aurais évidemment pas pu préparer cette émission sans Jeanne Paravert. Why are you here? What do you want? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? A chance. Une chance de survivre. That's asking an awful lot these days. C'est beaucoup demandé, parler de temps qui court. Merci d'avoir écouté Blockbuster, on se retrouve lundi à la même heure, on va parler T-Rex, gros requin et téléphone maison pour une émission sur Steven Spielberg. Et après le journal, on retrouve Emily Blonde-Metzinger pour le Mac de l'été. Bonjour Emily. Bonjour Frédéric. Et alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on plonge dans des souvenirs. D'abord avec Philippe Catherine, qui était l'invité de Mathieu Conquet. On va revivre quelques moments de « Et je remets le son ». Et après, live avec le nouvel album de Cheval Rex, qui s'appelle Providence. Tu peux me faire tout petit dans le studio? Mais même tout grand. Parfait.